histoire annoncée. Cette année, tout va changer. Les hommes multiprisent. Le fiche domino. Si ça continue, on va couper le courant. Toi, femme d'Afrique, tu subis ta vieille tradition de la polygamie qui te blesse et brise tes passions. Un homme épousé 10 femmes pour construire un village. Un homme épousé 10 femmes pour se faire adorer. Chacune d'elles s'est donné corps et âme pour satisfaire son mari. Chacune d'elles s'est donné corps et âme pour satisfaire cette noblesse. C'est vite un paradis. Les hommes étaient au paradis vraiment. Toi femme d'Afrique, tu subis ta vieille tradition de la polygamie qui te blesse et brise tes passions. Un homme épousé 10 femmes pour construire un village. Un homme épousé 10 femmes pour se faire adorer. Chacune d'elles s'est donné corps et âme pour satisfaire son mari. Chacune d'elles s'est donné corps et âme pour satisfaire cette noblesse. C'est vite un paradis. On dirait que ça continue. Miséricorde you. En Afrique, mes amis, ce n'est plus comme jadis. En Afrique, mes amis, ce n'est plus comme jadis. La polygamie est devenue l'ennemi de la mamba. La polygamie est devenue l'ennemi de la mamba. La mamba n'est plus aussi primaire que jadis. La mama n'est plus aussi soumise que jadis. Émancipation. La mama n'est plus aussi primaire que jadis. Révolution. La mama n'est plus aussi soumise que jadis. Émancipation. Ah, viva la mama, aïe. L'évolution. Ah, viva la mama, aïe. L'émancipation. L'évolution, arrive à la mamba, aïe. L'émancipation, arrive à la mamba, aïe. En Afrique, mes amis, ce n'est plus comme jadis. En Afrique, mes amis, ce n'est plus comme jadis. La polygamie est devenue l'ennemi de la mamba. La polygamie est devenue l'ennemi de la mamba. La mamba n'est plus aussi primaire que jadis. L'évolution. La mamba n'est plus aussi soumise que jadis. L'émancipation. La mamba n'est plus aussi primaire que jadis. L'évolution. La mamba n'est plus aussi soumise que jadis. L'émancipation. L'amour est fragile comme un œuf, tenez bon et laisse pas tomber. l'origami ne date pas d'aujourd'hui, tu le sais. Bill Gates. Est-ce que c'est un péché de me marier? Dollar before. Je veux me marier autant de fois que je peux. Et Roman, arrêtez de nous prendre pour des cartes prépayées. Cette année, tout va changer. Vive la parité. Un homme, une femme. Fin. Passion.